débrouiller. Car chercher une solution pour moi, la sortie au soleil. Car songer les premiers jours, t'es toujours membre à moi. Et moi, pas tes besoins chercher, c'est ok, t'es qu'à venir voir moi. Besoin chercher, c'est ok, t'es qu'à venir voir moi.